Zango. Zango le dozo. J'ai vu des ombres avec des crocs, un faux frère qui te dit qu'il est ton bro. On vit comme des animaux derrière l'enclos. Je le jure sur la schneck à Griselda Blanco. Si ça part en couille, on s'en bat les glaouilles. On te fume à l'enterrement de ton meilleur ami. Casque intégral à la Dark Vador. Tu feras pas de vieux os comme Skeletor. Alors pourquoi tu m'invites s'il y a rien à fumer? Si tu veux pas twerker, je vais t'annuler. Ils veulent des gemmes, ils veulent être adulés. Moi je vais les enculer, la lumière allumée. Tu connais la loi, Sinaloa. Je parle pas chinois, pas de konnichiwa. La Guardia fait des gros plans, on adore. J'serai hardcore jusqu'à la mort de mon corps. Baby, baby, baby, baby, remets tes collants. J'vais devenir insolent. Ton huc a plus tourné que mon volant. J'referme les bras et garder mon argent. Elias parle d'elle-même. Pas besoin de dire je t'aime. Je viens d'en bas, si j'apporte des fleurs, c'est que c'est pour la mama. Je vais me faire serrer en train de tous les bouillaves comme un lapin. Sur ce terrain, j'suis le début, donc je serai la fin. Dans le quartier, on veut jouer au foot, on veut tous tes chants. Beaucoup plus seront convoqués par le juge que par tes chants. C'est la crise, quoi qu'ils en disent. J'fais mon bise, j'fais mon bise, j'fais mon bise. Les hommes transitent comme des marchandises. Car la vie est dure et j'te la dépeins. Normal, elle veut un mec des pleins. Bitch, y'a des chiennes parce qu'il y a des chiens. Je veux faire du wari. Je veux faire du bambou. Je me suis trompé, bitch, mais tu vas kiffer même si c'est pas le bon trou. Je les enterre, je les enterre, je les enterre. Si tu n'es pas mon frère, c'est des embrouilles, c'est pas ma guerre. De fait, je me fais les dents comme un jeune louveteau. Tu crois que je suis ton petit, c'est que t'as tout faux. Tu ne suis que de passage, ceci n'est qu'une épreuve. On sait la vérité même si tu trafiques l'épreuve. On tombe dessus à mille, tu joues le gladiateur. Ils vont te ramasser avec un aspirateur. Je pense avec ma bite, pas de problème de cœur. Toujours partant pour caillasser l'inspecteur.